Alors là, il faut chanter une tyrolienne. Oui, ça c'est très bien. Parfait. T'as mis sur 110, non? Tu vas fausser ton appareil. Alors c'est. Alors je réponds à cette question. Comment je suis allé en Espagne? D'abord, j'étais allé. Voilà, je suis allé en Espagne en deux étapes. D'abord, la plus longue, ça a été la première. J'étais passé en Espagne au moment de la Première Guerre mondiale. Je ne voulais pas faire la guerre, comme pacifiste, internationaliste, etc. Et je suis passé en Espagne parce que c'était un pays neutre. Je ne savais pas ce que j'y trouverais, mais je me suis adapté à la vie là-bas. Et je me suis adapté aussi au mouvement social qui existait. Le mouvement social avait beaucoup perdu de force à ce moment-là. Mais il a repris un nouvel élan à conséquence de l'influence de la révolution russe. Tout le monde croyait que la révolution russe était une véritable révolution sociale, libératrice des hommes, etc., etc. Cela a donné, comment dirais-je, une nouvelle impulsion à notre mouvement. Et nous avons eu dans la CNT, à ce moment-là, la CNT à laquelle j'avais adhéré, dans laquelle je militais, mais où je militais clandestinement, étant donné ma condition d'étranger qui m'obligeait à me tenir toujours à l'écart. Cela n'empêchait pas que, sous des pseudonymes différents, je collaborais à la presse anarchiste espagnole. C'est là que j'ai pris le nom de Gaston Leval, qui n'est pas mon véritable nom, du reste. Bon. Et puis, je suis resté donc là 9 ans en Espagne. J'étais en prison à Valence et à Barcelone. J'étais délégué de la CNT à Moscou en 1921. Et je suis resté là jusqu'en 1924. En 1924, comme j'en avais assez de vivre cette misère que l'on vivait en Espagne continuellement et qu'il n'y avait pas d'horizon ouvert pour moi, ni du point de vue culturel, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas même d'argent pour acheter des livres, j'avais décidé de partir et je suis allé en Argentine. Je pensais aller en Angleterre. Les circonstances ont fait que je ne pouvais m'embarquer que pour l'Argentine. Je suis parti en Argentine. Et ma foi, en Argentine, j'y suis resté 12 ans. J'ai milité, j'ai comme écrit, comme toujours, j'ai intensifié mon effort pour nos idées. Et puis, la révolution russe, la révolution espagnole s'est produite. Les camarades de Buenos Aires, car j'habitais Rosario en Argentine, les camarades de Buenos Aires m'ont écrit immédiatement: Gaston, tu dois aller en Espagne. Je n'en avais pas les moyens. Ils m'ont donné les moyens nécessaires pour m'embarquer et je suis parti avec un faux passeport. J'étais arrivé en Argentine à fond de cale et je suis parti avec un faux passeport, n'est-ce pas? Et dès que je suis arrivé, je me suis occupé des réalisations sociales. Parce que j'avais déjà lu dans la presse, étant donné que c'est une parenthèse, il m'avait fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir un faux passeport. Pendant ce temps-là, les événements avaient marché en Espagne. Et j'avais lu dans la presse argentine, d'après les correspondants qui se trouvaient en Espagne, il se réalisait des essais de transformation sociale, des tentatives de socialisation. Et moi, j'étais, comment dirais-je, terriblement, fortement attiré par cette question, et c'est surtout pour cela que j'étais parti, car d'avance, j'étais convaincu que nous perdrions la partie. Mais je pensais que l'expérience qui se faisait devait être recueillie pour l'avenir. Qu'est-ce qui te faisait être convaincu qu'on allait perdre? Eh bien, l'inconscience, le manque de vision des choses, un enthousiasme irréfléchi qui empêchait de prendre les mesures qui s'imposaient. Quand je suis arrivé en Espagne, alors à ce retour, n'est-ce pas, j'avais débarqué à Gibraltar. Port anglais, les autres ports espagnols étaient bloqués par les nazis, par les franquistes. Et il y avait à Gibraltar beaucoup de réfugiés espagnols qui venaient de l'Andalousie, qui se centralisaient sur Gibraltar. Et toutes les semaines, il y avait un torpilleur anglais qui envoyait, qui transportait les réfugiés jusqu'à Malaga, la première ville qui était aux mains des républicains espagnols. Et quand j'étais en contact avec ces républicains à Malaga, d'abord à Gibraltar pendant une semaine, et puis à Malaga pendant une autre semaine, j'ai vu qu'ils n'avaient pas le sens de l'histoire, le sens des responsabilités. Les gouvernants, les ministres, etc., prononçaient des discours éloquents, disaient que Franco était perdu, qu'il ne pouvait rien attendre. Nos camarades étaient convaincus qu'il était « dando las últimas boqueadas », c'est-à-dire « los estertores de la agonía », les belles images espagnoles, n'est-ce pas, etc., etc. Et en vérité, pendant ce moment-là, Franco accumulait des troupes qui passaient du Rif à Séville et de là les envoyait sur l'Estrémadure. Et de l'Estrémadure, après avoir tourné, n'est-ce pas, eh bien, ils arrivaient à Tolède, où il y avait le fameux Alcazar qui était entouré, encerclé, n'est-ce pas, etc. Et Franco arrivait à Getafe, c'est-à-dire à l'aéroport, au sud de Madrid, après avoir parcouru 500 kilomètres avec ses hommes, et nous n'avions rien repris. Et je me rappelle qu'avoir fait même de la stratégie, parler de tactique militaire, moi qui n'ai pas même été soldat, n'est-ce pas ? Parce que dans les meetings, c'était un enthousiasme fou. Et les gens croyaient ce que disaient les battleurs de la politique, n'est-ce pas ? Et ils étaient convaincus que Franco était perdu, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien à faire. Moi, je voyais les choses autrement. Et j'ai compris que devant une organisation militaire que les franquistes étaient capables de donner et devant l'inorganisation des républicains, c'était les militaires qui allaient l'emporter. Par conséquent, je suis resté 15 jours à Gibraltar et à Malaga, et puis j'ai pu partir, car on ne voyageait pas facilement à ce moment-là, jusqu'à Valence. De Valence, je suis allé en Catalogne. Mais en Andalousie, on vous disait que à Valence, il y avait beaucoup d'armement pour pouvoir continuer la lutte. Quand vous arriviez à Valence, on vous disait que c'était à Barcelone que l'on fabriquait beaucoup d'armement. Quand je suis arrivé à Barcelone, je me suis renseigné autant que j'ai pu et j'ai appris que l'on fabriquait à peu près 50 000 cartouches par jour, à peu près une par milicien. Et la plupart, ou sinon la plupart, un bon nombre de ces cartouches foiraient lorsqu'on s'en servait. Il n'y avait qu'à tirer ainsi pour en extraire la balle. J'étais donc pessimiste au fond, mais entraîné tout de même par cette ambiance, par ce milieu, par les besoins de mon cœur, n'est-ce pas, de contribuer à faire quelque chose. Et dans les comités, au comité de la Catalogne, par exemple, au comité régional, j'assistais aux réunions, on me tolérait à duras penas, comme on dit en espagnol, n'est-ce pas ? Et j'ai immédiatement pensé m'occuper de ces réalisations constructives dont on m'avait parlé. C'est là que je suis retourné à Valence, car je cherchais où me situer pour pouvoir commencer à étudier les choses et que je suis tombé sur un camarade que j'avais connu auparavant en Argentine. Et ce camarade me demande d'aller leur faire une conférence. J'étais allé pour ça. J'étais allé faire tout ce que je pouvais. Je suis donc allé à Carcagente, qui était une petite ville de la province de Valence, qui existe toujours, qui doit avoir aujourd'hui une trentaine de milliers d'habitants. Et je me suis renseigné sur ce qui avait été fait, car je devais parler le soir même, n'est-ce pas ? Et j'ai voulu me renseigner pour ne pas parler inutilement, ne pas par exemple faire de recommandations sur des questions qui avaient déjà été tranchées. j'ai demandé aux camarades leur réalisation. Alors, j'ai su que dans cette petite ville, Carcariente, on avait commencé à implanter le communisme libertaire avec une vitesse, avec une rapidité absolument stupéfiante. Car déjà, tout était, au point de vue travail, au point de vue production, tout était socialisé. C'est-à-dire, la production la plus importante était celle des oranges. Le travail qui mobilisait le plus de gens était celui des oranges aussi, et de l'expédition des oranges. Et puis, là, c'était le syndicat qui avait les choses en main et qui les organisait. À part cela, il y avait, comme dans toute petite ville, des ouvriers de différents métiers, de différentes professions. Des maçons, des coiffeurs, des bouchers, des travailleurs sur bois, etc. Mais alors j'ai su que chaque corporation avait constitué sa section technique au sein du syndicat, que les techniciens avaient été nommés par les assemblées générales et que tout le monde travaillait parfaitement d'accord. On me fit visiter même certaines maisons qui avaient été socialisées, des services publics qui commençaient à s'ébaucher. Toujours est-il que l'élan était donné dans cette petite ville. Je suis revenu à Barcelone, puis j'étais en Aragon, dont on m'avait parlé beaucoup. Et en effet, c'est l'Aragon qui, la première comme région, avait donné l'impulsion du départ. Et en Aragon, cela a pu se faire parce que c'était nos troupes qui étaient les plus nombreuses et qui empêchaient tout retour offensif, soit de la bourgeoisie anti-franquiste, ou soit des éléments franquistes qui pouvaient rester encore. Ce n'est pas que nos camarades, que nos troupes aient imposé les collectivités. Non. Comme je le raconte dans le nouveau prologue de mon livre, car pour l'édition française, j'ai fait une nouvelle préface qui complète la première, je le raconte. Ce qui s'était produit était ceci. L'Aragon était séparé du reste de l'Espagne par la Catalogne, vous le savez. Bien. Les gouvernants catalans n'avaient pas, ne jouaient pas, c'est-à-dire ne s'occupaient pas de l'organisation de l'Aragon, de sa structure politique ou sociale. Les Catalans s'occupaient de la Catalogne, et puis c'était tout. Bien. Nos camarades, qui étaient non seulement catalans, généralement en Catalogne même, souvent ils étaient d'autres régions, mais qui étaient aussi internationalistes et par conséquent, qui passaient au-dessus des régions, se sont occupés en Aragon parce qu'il n'y avait plus de gouvernants, des gouvernants de Madrid non plus n'intervenaient pas en Aragon. Se sont occupés de l'organisation de la vie dans ces régions. Et alors, voilà comment on procédait d'une façon générale. Nos camarades convoquaient une assemblée générale del pueblo, du peuple. Et là, examinaient la situation. Il n'y avait plus de gouvernants républicains. Il n'y avait plus de mouvement, séparatiste en Aragon. Il n'y a pas eu beaucoup de séparatisme, mais il n'y avait pas d'autres forces voulant exercer une influence et prenant le pouvoir. Il n'y avait plus de pouvoir constitué. Alors là, nos camarades, qui étaient très nombreux en Aragon, que l'on trouvait dans presque tous les villages du reste, prenaient l'initiative de convoquer El Pueblo, le peuple. Et dans l'assemblée qui avait lieu, posaient des problèmes. Ils étaient naturellement plus orientés que l'ensemble des gens qui n'avaient jamais lutté ou milité. Eux, ils savaient ce que c'était que militer, que les responsabilités d'une action publique. Et alors, ils posaient la question, qu'allons-nous faire ? Et la réponse a été unanimement avec un nombre en comité. Car il fallait une force de rassemblement, de coordination, et c'était un comité qu'il fallait nommer, qui nommait-on ? Eh bien, non, naturellement, on a généralement proposé nos camarades parce qu'ils étaient connus comme des militants, comme des lutteurs, comme des hommes prenant leurs responsabilités publiques, etc. Alors, on nommait immédiatement ce comité constitué non pas de gens simplement membres d'un comité au point de vue politique, mais pour les activités pratiques de l'organisation et qui se développaient dans chaque commune. Quelles étaient ces activités ? Eh bien, c'était le moment où l'on récoltait le blé. N'oubliez pas, c'était le 19 juillet et le 20 et quelques jours plus tard. Le blé était mûr. Il ne fallait pas laisser le blé pourrir. Et les paysans qui voient des choses d'une façon pratique, d'une façon directe, eh bien, on pensait immédiatement, il faut quelqu'un pour s'occuper de ramasser les récoltes. Bien, qui ? Alors, on nommait un camarade, on proposait un camarade que l'on croyait, d'une façon générale, le plus indiqué, le plus capable pour s'occuper de ces tâches-là. Bien. Autre problème, eh bien, il faudra labourer la terre, il faut prévoir. Alors, on nommait un autre camarade chargé de cela. C'est-à-dire, on constituait un organisme de direction basé sur les activités sociales qui se développaient en Espagne. Il n'y avait plus d'organes de direction à caractère politique. Ce n'était pas au nom de principes politiques et d'idées politiques, c'était au nom des activités qu'il fallait faire, qu'il fallait développer. Et dans chaque village, on a nommé ainsi des gens, soit pour s'occuper du bétail, par exemple, le bétail, enfin, il y en avait comme dans tout le village, naturellement, soit pour s'occuper des travaux publics. Il y avait des choses à réaliser, des chemins à perfectionner, à élargir. Il fallait creuser des nouveaux canaux, des canalisations pour transporter l'eau, qui souvent manque dans certaines régions d'Espagne, etc. Il y avait un délégué pour l'instruction publique. Et naturellement, pour l'instruction publique, eh bien, on nommait l'homme que l'on croyait le plus intelligent, le plus instruit. À chaque fois, le choix était à peu près bien fait. Et... Demander une chose à propos du bétail comme ça. Les paysans gardaient du bétail pour soi-même une petite quantité ou on réunit les bétails dans des étables communes comme ça et il y avait quelqu'un qui s'occupait de tous les... Comme on dit souvent que il reste, les paysans entrent dans une coopérative, pas dans un cas. Non. Mais chacun maintient la propriété de quelques Non. La tendance générale, je dis bien générale, a été l'élevage collectif. Collectif, n'est-ce pas ? On a construit, c'est très important, même du point de vue moral, on a construit des porcheries. Dont certaines étaient des choses magnifiques. On a construit des écuries, des étables pour les chevaux, pour les vaches, pour les porcs. Dans certains cas où on n'avait pas le temps de cuire, parce qu'une partie des hommes était au front, n'est-ce pas, et il n'y en avait pas assez pour s'occuper de tout, on a donné alors à chaque famille un cochon pour qu'elle s'en occupe et pour qu'elle ait de la viande, qu'elle salte de la viande le moment venu. Mais ce n'est pas parce qu'on maintenait la propriété individuelle du bétail. Le bétail était généralement, du reste, les troupeaux étaient très nombreux. J'étais quelquefois, je me rappelle, d'un village nommé Esplus, n'est-ce pas, où le troupeau de moutons, comme la région de l'Aragon est sèche généralement, et dans ces régions-là, ce n'était que le mouton qui pouvait être élevé, tout dépend des conditions géographiques, vous voyez. Eh bien, le troupeau de moutons était rentré, accompagné par le berger et ses chiens, et je me rappelle que le troupeau n'en finissait pas. Le bétail était multiplié très vite. Mais je dis, à chaque fois, on a construit. Alors, en dehors du village, justement, cela supprimait, cela coupait l'élevage individuel. L'élevage individuel, dans sa maison, le paysan avait un endroit où il y avait un cochon. Et le cochon vivait avec la famille. Très souvent, comme dans beaucoup de régions pauvres, n'est-ce pas ? Eh bien, cela a été supprimé du jour au lendemain grâce aux porcheries collectives. n'est-ce pas? Et alors, du point de vue hygiénique, du point de vue moral aussi, c'était un changement. C'était une réalisation que j'ai, je peux dire, honnêtement, je ne peux pas affirmer la précision de, des chiffres que je vais vous donner, mais enfin, honnêtement, je crois qu'au moins 70% du bétail était dans les écuries collectives, les porcheries collectives, n'est-ce pas, etc. Non, il n'y avait plus de bétail individuel en général. J'ai vu, par exemple, dans la région de Valence, alors dans une autre région d'Espagne, vous voyez, des demandes d'adhésion de gens, de paysans, qui demandaient à entrer dans la collectivité et qui apportaient leur cheval ou leur mulet. Très souvent, c'était les mulets, n'est-ce pas, comme animaux de trait, qui apportaient leur mulet et leur outillage. N'est-ce pas? Mais là aussi, que ce soit une région ou une autre, la tendance générale était à l'organisation collective. Et non seulement cela, mais par exemple dans la région de Valence, vous aviez des vétérinaires qui étaient au service de la collectivité, n'est-ce pas? Et qui tournaient, qui voyageaient dans une région, dans une autre, etc. Bon, on tendait généralement à l'organisation collective, indiscutablement. Avez-vous quelques questions à me poser? Non, on va continuer. Oui. Alors, comment dirais-je? Le travail s'organisa là-bas sur cette même base. Il y avait, c'est-à-dire, on constitua, pour ramasser le blé, comme je vous parlais tout à l'heure, la récolte du blé, il fallut constituer des équipes. Et c'était les paysans les plus robustes que l'on mettait au travail le plus dur, n'est-ce pas? Et c'était des équipes dont chacune avait un délégué. Et les délégués se réunissaient le soir, quelquefois trois fois par semaine, quatre fois par semaine, comme ils le voulaient, comme ils le croyaient utile, n'est-ce pas? Se réunissaient et traitaient des problèmes à faire pour le lendemain. Exactement comme il y avait des labours qui devaient se faire très rapidement, étant donné ce qu'on devait y planter ou y semer, eh bien, les équipes de laboureurs furent constituées de la même façon, chaque équipe ayant toujours son délégué. Et puis, il y avait au comité, alors, un délégué de l'agriculture, un délégué général qui avait la vision générale sur toutes les choses. Si bien que, par exemple, lorsque il s'agissait de préparer la terre dans la juridiction d'un village, n'est-ce pas? On disait telle terre, pour telle raison, on y plantera telle chose, il faut la préparer de telle façon, à partir de telle date, telle autre terre, à partir de maintenant, etc. Et le lendemain, une équipe allait d'un côté, l'autre équipe allait de l'autre, mais l'organisation était aussi générale. N'est-ce pas? Cela répondait à une pratique d'entraide et de sociabilité. J'insiste beaucoup sur cela, parce que sans la sociabilité caractéristique de la majorité du peuple espagnol, je ne dirais pas de 100% des Espagnols, rien n'est jamais absolu, n'est-ce pas? Mais de la majorité des Espagnols, sans cette sociabilité et ce sens des responsabilités, cette volonté aussi de faire les choses par soi-même et non pas sous la pression, pas de gouvernants, de parasites. Pour le paysan, un fonctionnaire est un parasite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce à cette sociabilité que bien des choses ont pu se produire, ont pu avoir lieu. À propos des fonctionnaires, il n'y avait pas de fonctionnaires, alors. C'était des délégués. Non, ils n'avaient pas l'instruction pour faire des fonctionnaires, ne serait-ce que pour cette raison. J'ai lu ces jours-ci un livre de Carlos Semprin, Maura. Il a justement des pages sur le fonctionnarisme, et là, il ment. Ah, catégoriquement, il ment. N'est-ce pas? Je ne dis pas que l'Espagne ne pouvait pas aussi secréter des fonctionnaires, n'est-ce pas? Comme dans tous les pays, n'est-ce pas? Exactement comme dans tous les pays, il y aura toujours des femmes qui exerceront le plus vieux métier du monde. La réalité humaine est ainsi, avec ses faiblesses, avec ses défauts. Les individus naissent avec conditionnés, n'est-ce pas, par l'hérédité, Alors, il y aura toujours des parasites ou des tendances. Mais il ne pouvait pas, rien que pour cette raison, ceux qui ne savaient pas écrire, très souvent je parle des paysans, qui n'avaient pas le minimum d'instruction qu'il fallait. J'ai ici, dans ma documentation, les talons, la souche. Vous savez, dans un carnet de reçu, il y a une souche, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui a été pris, ce qui a été consommé dans le premier mois par un village, par les habitants d'un village, c'est intéressant de voir l'évolution de la consommation, n'est-ce pas? Bien, c'est écrit souvent avec des fautes d'orthographe regrettables, quoi. Seulement, ça n'empêche pas qu'il y avait à la base l'intelligence, l'esprit, le sens moral, et sans cela, on n'aurait rien fait. Voilà. C'est-à-dire alors qu'il n'y avait pas un salaire pour... Et le salaire, c'était égal pour tous? Le salaire était... Il y avait une échelle de salaire. Malheureusement, cette échelle de salaire, le défaut, ce que l'on peut critiquer, c'est toujours facile de critiquer, les salaires ont été... Le principe a été improvisé. N'est-ce pas? Si je prends l'Aragon, je crois que sur 350 collectivités environ, il y en avait 60 qui ont conservé la monnaie nationale. Car il y avait un gouvernement. Il ne valait rien, mais il existait. N'est-ce pas? Il y avait un État. Il y avait des brigades de carabineros au service du gouvernement, etc. Il y a une influence là. Et il y avait beaucoup plus encore, hélas. Bon. Alors, certaines collectivités ont conservé la monnaie. Mais attention! Ils n'ont pas conservé la monnaie nationale. Oui, je crois que j'allais vous dire le contraire, me semble-t-il. Vous corrigerez quand vous lirez, n'est-ce pas? Il y a eu surtout une monnaie improvisée en Aragon. Les collectivités ont fait chacune leur monnaie. Et dans les assemblées collectives, dont j'ai publié les statuts dans mon livre, n'est-ce pas? Eh bien, on décidait quel serait le salaire. Et en vérité, le salaire changeait d'un village à un autre. Et la monnaie changeait d'un village à un autre. La monnaie imprimée, n'est-ce pas, dans le village de Graouz, ne servait pas pour le village de Binefar, par exemple. N'est-ce pas? Pour la province de Teruel, ça ne servait pas pour Huesca. Voilà les défauts. Mais on était dans les premiers moments, dans les premiers tâtonnements. Le problème, c'est qu'ils ont résolu le problème immédiatement. Ils ont pu le résoudre. Alors, quant au salaire qui implique l'inégalité ou l'égalité, la pratique de la justice économique, eh bien, cela était décidé dans les assemblées générales. Alors, du reste, dans le livre, j'ai publié 6 ou 7 statuts, n'est-ce pas, de résolution prise, où on décidait de collectiviser. Et immédiatement, on établissait le salaire. Alors, le principe a été le salaire familial. C'est ça qui a dominé. Ce qu'on appelait le salaire familial, que j'ai curieusement entendu nommer par la suite au temps du général Pétain. N'est-ce pas? Il y avait le repas familial qui était plus ou moins cher selon le salaire des individus. En principe, ça n'était pas mauvais du tout. N'est-ce pas? Si bien que voilà, dans telle région, dans tel village, les paysans se réunissaient. Généralement, ce sont les paysans qui ont commencé et décidé de collectiviser. Alors, se collectiviser, c'était socialiser, n'est-ce pas? C'était l'équivalent. Et après, alors, on posait le problème des salaires. Donc, je suppose, un homme seul gagnera 5 pesetas par jour. Un couple gagnera 7 pesetas par jour. S'il y a un enfant, il y aura 2 pesetas de plus par jour. S'il y a 2 enfants, ce sera 1 pesetas 50 centimes pour le deuxième enfant, parce qu'on pensait que plus étaient nombreux, plus la vie revenait meilleur marché, n'est-ce pas? Et ça était partout pareil, le principe du salaire familial. Dans d'autres cas, il n'y avait pas de monnaie du tout. Et c'est là qu'il y a eu 50, 60, peut-être sur les 350 collectivités aragonaises, qui n'ont pas fait de monnaie, pas même de monnaie locale. Et pas, cela a été ce qu'on appelait vulgairement la prise au tas. pour les autres qui n'étaient pas tout à fait réels non plus, parce qu'en réalité, il y avait le rationnement. On était obligé de rationner. Mais n'oubliez pas que quand on rationnait, c'était parce que il fallait ravitailler le front d'un côté, il fallait ravitailler les villes de l'autre. Et les paysans ont eu un sens plus concret, plus précis de leur responsabilité devant l'avenir qui arriverait bientôt, n'est-ce pas, qui se dessinait. Dans les villes, on mangeait beaucoup. Je me rappelle qu'à Valence, j'avais été inquiété dans mon premier voyage que j'avais fait, enfin la première fois que je m'étais présenté là, en voyant combien on mangeait de gâteaux. Jamais les gens n'ont mangé tant de gâteaux à Valence, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans la conférence, je leur ai dit, camarades, faites attention, l'Espagne républicaine n'a pas de blé. C'est Franco qui a tout le blé. Demain, vous manquerez de blé et il faut rationner le pain dès maintenant. Voilà ce qu'on n'a pas su faire. N'est-ce pas? Seulement, alors, du côté des paysans, car pour le moment, nous nous maintenons aux paysans, n'est-ce pas, aux campagnes, n'est-ce pas, tout a été prévu. Il y a eu un sens des responsabilités curieux, tout à fait, je dirais presque admirable. Donc l'égalité était maintenue à travers ce salaire familial. On a maintenu de l'argent, mais avec cet argent-là, on ne pouvait pas spéculer, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas constituer un héritage qui serait un danger pour la génération successive, n'est-ce pas ? Et il est probable que nous serions arrivés à une monnaie homogène, n'est-ce pas, qui aurait été valable dans n'importe quelle partie de l'Aragon. On n'en était pas là, je répète. C'est une des critiques que par exemple, les communistes qui font feu, n'est-ce pas, de tout bois, n'est-ce pas, eh bien, ont fait, n'est-ce pas. Il est vrai que telle région, pour pouvoir aller dans telle région, il fallait demander au comité local s'ils avaient de la monnaie de telle région, n'est-ce pas. On avait donc supprimé l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà ce qui était le plus important, n'est-ce pas ? Il n'y avait plus de grands propriétaires. Les grands propriétaires ou avaient fui ou ne s'étaient pas présentés après la prise de la collectivité, n'est-ce pas ? Mais il n'y avait plus de propriétaires exploitant le travail d'autres individus, n'est-ce pas ? Tout le monde était sur un même pied d'égalité et les terres étaient données à l'avoir collectif, au patrimoine collectif. Il restait seulement il est apparu quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit que les événements se produisent pour que des faits inattendus apparaissent et aient une utilité réelle. Et ce qu'on a appliqué par la suite en Russie, en donnant aux gens un petit jardin, le jardinage, l'agriculture, n'est-ce pas, qui n'était pas celle de Kolkhoz, mais la propriété individuelle, n'est-ce pas, pour que chacun puisse planter, cultiver ce qu'il voudrait, cela a été pratiqué dans nos collectivités. L'ensemble de la production, celle qui assurait la vie collective, était la collectivité. Mais on laissait à chaque famille un petit lopin de terre pour qu'elle cultive ce qu'elle voulait, pour qu'elle élève des animaux si elle le voulait, qu'elle élève des lapins, qu'elle élève des poulets, qu'elle cherche, c'est-à-dire qu'elle cultive des fleurs, etc. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'était une espèce d'oasis pour la liberté individuelle. Et alors, vous voyez, et c'était quelque chose d'intéressant. J'ai su que par la suite, car je ne suis pas allé en Castille, mais j'ai su que cela s'est produit aussi. Je ne peux pas vous dire à quelle échelle. Et la possibilité, puisque avec cette manque de monnaie homogène, il n'y avait pas une possibilité d'abus, quelque chose comme... Voilà, si, justement, tu fais bien de me poser la question, camarade, ça allait me passer. Si. Le comité régional des collectivités d'Aragon avait créé, et je dois en avoir ici un exemplaire, un livret de consommation pour tout l'Aragon. n'est-ce pas? Là, on allait unifier, régulariser, en somme, cette situation. On a d'abord fait comme on a pu, hein, on a improvisé comme on a pu improviser, et c'est très beau qu'on ait pu improviser comme ça, n'est-ce pas? Mais alors, après, l'unification allait venir. Et puis alors, là, est venue l'Ister, la brigade Lister, les communistes avec leurs forces qui ont détruit les collectivités, lesquelles se sont reconstituées, mais avec beaucoup moins d'adhérents qu'auparavant, car on craignait que le retour soit des communistes, soit des gouvernants républicains, ou une avance des franquistes. La situation n'était pas belle. Et alors justement, à propos de ça, maintenant je change de sujet, je veux vous souligner qu'il faut tenir compte des difficultés dans lesquelles on a réalisé cette expérience sociale. Nous avions une guerre au front. Il fallait donner à l'armement tout ce qu'on pouvait donner. Ce n'était pas beaucoup, mais cela pesait tout de même beaucoup. Mais contre nous, il y avait non pas seulement cette guerre et les franquistes, il y avait l'arrière, tous les républicains, les catalanistes, tous les séparatistes, il y avait les socialistes, n'est-ce pas? Il y avait les communistes qui ont été les pires adversaires que nous avons eus. Il a fallu que nous fassions face, par conséquent, d'un côté et de l'autre, et dans de telles conditions, réaliser une transformation sociale, ce n'était pas facile. Alors, si bien que lorsque l'on critique, il y a certainement des critiques à faire, et il faut retenir les erreurs qui ont pu être commises, car il y a eu des erreurs commises. Seulement, si on ne tient pas compte aussi de ces réalités, de ces obstacles que nous avions devant et derrière, on ne comprend pas non plus la situation. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de collectivité industrielle? Oui. Car on n'a pas entendu. Oui, là-dessus, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre un peu, je ne sais pas. J'en parle du reste dans mon livre. Je dis franchement des choses parce que je n'ai pas menti dans mon livre. Lorsque les troupes de la République, les soldats, les régiments de Barcelone ont été battus et ont reculé dans leurs casernes, en même temps, les franquistes avançaient en Aragon, sur la Catalogne. Et nos camarades, naturellement, l'ont su. Alors, ils ont compris qu'il fallait s'armer immédiatement. On ne pouvait pas se battre avec des manches à balai contre des mitrailleuses. N'est-ce pas? Il fallait s'armer le plus possible. Comment? Nos camarades n'étaient pas experts dans la fabrication d'armements, et les armements ne se fabriquaient pas généralement en Catalogne, et se fabriquaient dans le Pays Basque. Les armes, surtout il y a une petite ville du Pays Basque nommée Eibar, qui était un grand centre d'armement. Donc les franquistes étaient infiniment plus armés que nous. Toute l'artillerie était passée du côté franquiste, toute l'aviation aussi. Et nos camarades, moi j'étais encore en Argentine, n'avais pas pu en sortir, mais enfin je l'ai su, puis je pouvais le savoir par la suite aussi, donnèrent l'ordre immédiat aux métallurgistes de reprendre le travail. Le syndicat, par conséquent, adoptait une position qui en faisait un élément déterminant des événements qui allaient se produire par la suite. Le syndicat prenait la responsabilité de reprendre le travail et de diriger le travail, car ce qu'il fallait, c'était immédiatement construire des tanks, des chars d'assaut. On a donc construit des chars d'assaut, des tanks. Or, on pourrait faire un peu d'ironie sur ces pauvres chars d'assaut, sur ces tanks. Sur des camions ou des camionnettes, on mis des tôles, tout simplement. Des tôles de 5 mm, 6 mm, 7 mm, je ne sais combien, mais qui étaient traversées par les balles lorsque on tirait dessus de plein fouet, et qui en réalité servaient plutôt pour encourager moralement les combattants. Toujours est-il qu'on reprenait le travail là. Et puis ce n'est pas tout. Il fallait transporter des troupes en Aragon. Et pour les transporter, il fallait des chemins de fer. Et le syndicat des chemins de fer a donné l'ordre aux cheminots de reprendre immédiatement le travail. Le gouvernement catalan, qui existait à ce moment-là, lui faisait autre chose. Il décrétait la journée de 6 heures, l'augmentation des salaires pour les travailleurs, etc., etc. La CNT refusa l'augmentation des salaires et la diminution des heures de travail, car nous étions dans une période où il fallait concentrer et intensifier ses efforts pour faire face à l'avance franquiste, et on ne pouvait pas perdre son temps à des améliorations qui n'auraient pas pu être obtenues pour du reste. Alors, il y avait d'autres industries qui n'avaient pas besoin d'être mises au travail immédiatement. Je prendrais par exemple l'industrie textile, qui était l'industrie la plus importante de la Catalogne. Et puis le travail sur bois, par exemple. Et cela ne donnait pas l'ordre de reprendre immédiatement le travail. Les syndicats n'étaient pas techniquement préparés pour prendre la production en main. Mentalement, moralement, si. Techniquement, c'était une autre histoire. Il fallait improviser. Et alors, on créa immédiatement, je parle de Barcelone maintenant, et alors par conséquent de toute la Catalogne, on créa immédiatement des comités de contrôle. Le comité de contrôle s'installait dans les entreprises industrielles qui avaient un patron, mais dont le patron antifranquiste aussi était d'accord avec nos camarades pour lutter contre Franco. Mais en même temps, nos camarades le surveillaient. Et ils avaient certainement une certaine arrière-pensée. C'était naturellement de s'emparer de la situation quand cela serait possible. Donc le patron fut contrôlé et on organisa dans chaque atelier, dans chaque fabrique, un comité de contrôle. Ce n'était donc pas dans ce cas-là les syndicats qui prenaient l'affaire en main. C'était les travailleurs du comité de l'entreprise. Mais on n'avait pas prévu, comme ne prévoient pas ceux qui maintenant nous parlent beaucoup de l'autogestion, que cela crée une situation tout à fait inattendue. C'est que chaque comité de contrôle devenait comme le propriétaire de l'usine, comme le patron de l'usine, surtout que le patron était de plus en plus éliminé. Et nous avions des organisateurs dans chaque comité de contrôle. Et là, les syndicats ne jouaient pas de rôle. Ils étaient pris de court, ils n'avaient pas les connaissances techniques, ils n'avaient pas la vision de l'économie, ils étaient presque réduits à zéro. Et quand je suis arrivé à Barcelone, je crois que c'était à peu près 3 mois et demi après que tout avait commencé, et j'ai entendu nos camarades, ils nous expliquaient qu'il était en train de se créer une situation particulière, c'est que chaque entreprise, au lieu d'avoir un patron, avait 4 ou 5 patrons. Voilà l'un des aspects critiques qu'il faut signaler, n'est-ce pas? Et je me rappelle que c'est que Santillane, dont vous avez entendu parler certainement, Diego Abad de Santillane, avait écrit dans je ne sais plus quel bulletin interne de notre mouvement, de la CNT, un article où il disait que maintenant nous avions plus de patrons qu'auparavant, etc., etc. Ce qui a du reste été exploité, cet article a été exploité et est toujours exploité par les adversaires des collectivités. En vérité, cela avait lieu. Et c'est ce que j'ai appelé pour ma part un néo-capitalisme. Un néo-capitalisme ouvrier. À ce moment-là, la FAI se réunissait presque en permanence dans une très grande salle, je ne me rappelle plus maintenant comment s'appelait cet édifice, et on discutait en permanence. On parlait beaucoup, on palabrait beaucoup. C'était pire qu'au Parlement. Et je me rappelle que cette question a été posée une fois, la question alors des comités de contrôle propriétaires de l'entreprise qui non seulement dirigeaient le travail mais vendaient ce qu'ils produisaient. faisaient monter les prix entre eux. Voilà quelque chose, voilà un des aspects qui se sont présentés, n'est-ce pas? Je me rappelle avoir, dans une de ces assemblées, présenté en ordre du jour une résolution où nous dénoncions ces déviations en disant que c'était absolument le contraire du communisme libertaire. Car en Espagne, on parle toujours de communisme libertaire, n'est-ce pas? Et moi, j'allais d'un comité à un autre, je faisais des conférences, j'allais dans la région de Valence ou dans la région de l'Aragon, ou même en Catalogne aussi, mais je ne pouvais pas m'insérer, n'est-ce pas, dans un de ces organismes de direction. Nos camarades ont manqué de préparation technique pour faire la révolution. Voilà la vérité. N'est-ce pas? Et alors, il y a eu réaction après. Après cette résolution que j'avais présentée et avec laquelle Santillane était du reste d'accord, n'est-ce pas? Il y a eu une certaine réaction. Les gens ont réagi, les camarades ont réagi selon leur préparation, selon leur connaissance des choses. Par exemple, si je prends le syndicat du bois à Barcelone, en Espagne, le bois, n'est-ce pas, était l'industrie du bois, c'est-à-dire les ébénistes, les menuisiers, les charpentiers, n'est-ce pas, de charpentiers, quoi. Eh bien, tous travaillaient dans le bois et étaient dans un même syndicat, syndicat industriel, séparé en trois sections correspondantes, n'est-ce pas? À la tête du syndicat du bois, il y avait des camarades qui étaient de vieux lutteurs courageux. Donc, par conséquent, l'industrie du meuble cessa de produire en grande partie, parce que en période révolutionnaire, ce n'est pas le moment d'améliorer son intérieur, surtout de la part des bourgeois. Le travail diminua dans les ateliers et les entrées aussi. Mais alors, là, le gouvernement, le ministère des Finances payait pour les travailleurs qui étaient dans ces ateliers et qui ne produisaient pas. Un autre cas que je vais vous citer, alors, dans les aspects négatifs, des difficultés que présente une révolution. Barcelone était une ville d'1 million d'habitants, très étendue. Et il y avait environ 20 000 travailleurs du bâtiment à Barcelone. Quand le bâtiment va, tout va, dit le proverbe. Mais quand il ne va pas, eh bien, rien ne va. Et justement, n'est-ce pas, les propriétaires, les architectes, etc., cessèrent de faire travailler, d'améliorer les bâtiments, d'en construire d'autres. Et il y eut là à peu près 20 000 travailleurs qui n'avaient rien à faire. On commença par profiter de l'offre du ministère de la Generalidad, c'est-à-dire, et du ministère des Finances, nommé Terradellas, qui était, paraît-il, un excellent type, dont les intentions étaient bonnes, certainement, et on envoyait tous les samedis le délégué demander telle somme pour tel chantier, de telle rue, tel numéro. Cela dura quelques mois. Et moi, j'avais fait un voyage en Aragon et je constatais que le blé avait poussé et que l'on manquait de gens pour le ramasser. Et nous avions des travailleurs qui touchaient leur salaire à ne rien faire à Barcelone. C'est une des choses qu'il faut voir. Et nos camarades le voyaient. On a réagi contre cela. Mais alors, à ce moment-là, les communistes qui s'étaient emparés du syndicat du bâtiment de l'Union Générale des Travailleurs, ou qui en avait fondé un à ce moment-là, invitait les travailleurs qui étaient avec nous à aller avec eux. Alors, dans le bâtiment, donc, je vous disais, nous avions notre syndicat, et puis l'Union Générale en avait un, à la tête duquel étaient les communistes. Et les communistes, pour capter de nouveaux adhérents, disait aux camarades qui étaient dans notre syndicat, mais que nous voulions obliger à travailler pour qu'ils touchent leur salaire, venez avec nous, nous ne vous demanderons pas de travailler. Il y a ainsi, n'est-ce pas, des tactiques, des modalités d'action qui faussent tout à fait les choses. Maintenant, en ce que vous me demandez pour la collaboration, J'ai déjà dit, j'ai écrit dans mon livre aussi, je n'ai pas, comment dirais-je, fui cette question. Je n'ai jamais été partisan de la collaboration. Lorsque j'étais arrivé à Valence, on m'avait envoyé, après quelques jours que j'avais perdu, au ministère du commerce extérieur, qui était un camarade, Juan López, qui m'a dit immédiatement, Gaston, je te prends comme secrétaire. J'ai répondu, je ne suis pas secrétaire d'un ministère, je suis venu pour travailler avec les collaborateurs, avec les syndicats et avec les collectivités. Bien. On m'a demandé plus tard deux fois d'être secrétaire à l'industrie dans la Catalogne. J'ai refusé aussi. Donc, je n'ai pas été partisan de la collaboration. Je ne reproche pas fondamentalement à 100%, comme d'autres l'ont fait, que nos camarades aient décidé de collaborer dans les ministères. Parce que il faut reconnaître la vérité, être honnête et juste. Nos camarades étaient incapables pour faire des ministres comme ils étaient pour être des organisateurs syndicaux. Et cette incapacité faisait qu'ils ne pouvaient pas, pour leur part, jouer un rôle pratique, réel et efficace dans la lutte contre Franco. Il n'y avait qu'une arme, qu'un instrument pour lutter, c'était l'armée qui était organisée par le gouvernement. Or, Largo Caballero, à qui on avait donné le pouvoir parce que la situation s'aggravait et qu'il avait plus d'influence sur les masses ouvrières, émit une condition. Je veux que la CNT ait aussi ses hommes au sein du ministère. Et sinon, je ne serai pas président du Conseil. Cela dit publiquement, donné devant l'ensemble du public antifranquiste, l'impression que nous étions responsables de ce qui pouvait se produire. Et il est difficile de supporter une attaque de ce genre, des reproches de ce genre. D'autre part, nos camarades voulaient faire quelque chose et ils ne pouvaient pas, les organismes de la CNT n'étaient pas des organismes de combat, des organismes de lutte. Il était inévitable que l'on ait recours à une force armée. Et puis, il était inévitable aussi de coordonner les ressources que tous les antifranquistes pouvaient avoir. Je n'étais pas à Barcelone lorsque on décida de collaborer. On nomma deux ministres de notre côté. Du coup, pour la CNT, Juan López, dont je vous parlais tout à l'heure, et Peiro, qui fut fusillé par les franquistes, ne l'oubliez pas. Et du côté de la FAI, Federica Monseni et Garcia Oliver. Leur gestion, à mon avis, leur activité fut un échec. Et fut un échec d'abord parce que ils étaient quatre sur un ministère de 16 ministres. Même s'ils avaient agi le mieux du monde, ils auraient toujours été mis en minorité. Mais l'ensemble des camarades, des militants de base, qui se virent coincés dans l'examen de la situation au fur et à mesure que les événements se déroulaient, eux acceptaient la collaboration lorsque l'on votait dans les assemblées, de la CNT. Après que Federica Monseni ou Garcia Oliver, surtout, venaient prononcer des discours enflammés, n'est-ce pas, qui entraînaient tout le monde et qui donnaient à tous la certitude que nous allions gagner la bataille. Cela n'empêchait pas que ces militants de base, qui finissaient par lever la main et par dire oui à une proposition qu'avait faite Federica Monseni ou Garcia Oliver, ou quelques-uns de ceux qui les avaient suivis, les mêmes militants, quand ils rentraient dans leur village, continuait à faire la révolution. Et n'était pas du tout enchaîné par ce que disait le gouvernement. Le gouvernement pouvait prendre des résolutions, ces résolutions ne s'appliquaient pas. Voilà. Je comprends que nos militants, parce qu'ils étaient incapables, plus encore incapables du point de vue militaire que du point de vue syndical, aient agi là où on les avait invités à venir. Ils n'avaient pas d'autre solution, s'ils voulaient collaborer. Sinon, que pouvions-nous faire? Je me suis posé la question. Il aurait fallu que nous puissions avoir l'argent nécessaire pour acheter des armes et avoir nos forces à nous, luttant parallèlement avec l'armée républicaine, gardant notre autonomie. Et cela, nous ne pouvions pas le faire. Par manque d'argent, par manque de prévoyance aussi, du reste. Et puis, entre nous, même sur la question argent, il y a eu pas mal de dilapidation qui a été faite. Le problème, c'est que ou nous collaborions avec l'armée, ou bien nous étions en marche et on pouvait nous accuser d'être en partie responsable du triomphe de Franco si Franco vainquait. Voilà la situation qui se présentait. Et je ne suis pas sévère, pour employer un mot qui fait de moi un petit prétentieux peut-être, je ne suis pas sévère quand je juge nos camarades pour avoir été collaborés. Seulement là où je le suis, C'est quand je voyais hier comment dans cette situation les républicains, les communistes sabotaient la lutte, véritablement la sabotaient et que l'on ne faisait rien pour les en empêcher. Il m'est arrivé de parler pour mon propre compte réduit que j'étais à mon activité personnelle dans des meetings où je dénonçais le fait qu'au fond d'Aragon nous n'avions pas un avion contre eux, c'est-à-dire nous n'avons pas d'artillerie anti-aérienne pour défendre les villages que l'aviation franquiste venait bombarder, etc. N'est-ce pas? J'ai dénoncé cela dans les meetings, j'ai crié contre cela. Là, nos camarades ministres prenaient le rôle au sérieux. Et ils nous disaient toujours, nous collaborons, par conséquent, nous ne pouvons pas faire de critiques. Je n'ai jamais vu que même, n'est-ce pas, dans un régime bourgeois, même s'il y a un ministère dans lequel on collabore, les gens qui sont dans l'opposition mais qui collaborent font des critiques quand ils croient devoir faire des critiques. Nos camarades ont été des incapables du point de vue politique. Et alors, comme ils étaient incapables, ils acceptaient toutes les explications qui étaient données contre nos camarades. Par exemple, Malaga est tombé. Ça a été une des premières grandes défaites de la République espagnole. J'avais été à Malaga, je vous ai dit, quand je suis revenu d'Argentine. Je savais quelle était la situation. Il n'y avait pas d'armement à Malaga. Il n'y avait pas de munitions, surtout. Dans les derniers moments, j'étais encore là, n'est-ce pas, où se produisait une attaque franquiste. N'est-ce pas? Il fallait envoyer des coureurs qui allaient auprès des autres postes, n'est-ce pas, du front, chercher les munitions qui pouvaient rester pour revenir les apporter aux camarades qui étaient en train de supporter l'assaut, n'est-ce pas? Et mes camarades m'avaient demandé, du reste, car ils croyaient que j'exerçais une influence beaucoup plus grande que celle que j'exerçais, que j'ai pu exercer auprès des hautes sphères, surtout, n'est-ce pas? Mes camarades m'avaient dit, Gaston, fais en sorte qu'on nous envoie des armes, demande des obus, etc., etc. Et là, nos camarades n'ont absolument rien su faire. S'ils avaient dénoncé à temps le manque d'armement, peut-être aurait-on pu faire face pour quelques temps de plus à la situation. Je suis convaincu pour ma part qu'il n'était pas possible de vaincre. Seulement, on ne devait pas collaborer. Et là, c'était de la collaboration. Voilà mon opinion personnelle. Et je vous dis, sans pour cela attaquer le principe d'avoir été collaboré. Je ne l'ai pas fait pour ma part. Mais je comprends qu'ils aient cédé devant une situation inextricable à laquelle ils ne s'attendaient pas et pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Comment tu as vécu les événements de mai 37? J'étais en Aragon à ce moment-là. J'étais dans la province de Teruel, à Alcoriza. J'avais trouvé un camarade français, un homme d'action internationale qui est mort maintenant, un cancer, que j'avais connu à Berlin en 1921 lorsque j'allais en Russie. Et je l'ai retrouvé là. C'était, je répète, un homme d'action qui avait été un ami de Durruti et qui avait participé à bien des aventures et qui possède une petite voiture Opel avec laquelle il m'a promené dans toute l'Aragon. Grâce à lui, j'ai pu me renseigner sur les collectivités. Sans ça, je n'aurais pas pu me déplacer. Et lorsque nous avons su que les événements avaient commencé à Barcelone, j'ai voulu rentrer immédiatement. Et eux n'ont pas voulu, ils sont opposés. Ils m'ont dit, Gaston, ils vont te tuer, hein, ils vont t'assassiner en route. Ça serait produit probablement, parce que il fallait passer par Lérida, tu connais la ville de Lérida probablement, il y a le fleuve Lèbre, n'est-ce pas, qui traverse là. Et là, il y a un pont, et tout le monde passe au pont. Alors, il me disait, là, on t'attendra comme les autres, n'est-ce pas, tu y passeras. Et alors, je suis donc resté davantage en Aragon, ce qui m'a permis d'étudier davantage les collectivités aragonaises. C'est ça, simplement. Et sur le moment, quand tu as su exactement ce qui s'était passé à Barcelone... Comment ? Quand tu as su exactement ce qui s'était passé à Barcelone, c'est-à-dire cette tentative contre-révolutionnaire stalinienne, comment tu as analysé la situation ? Est-ce que tu considères qu'il fallait essayer de réduire les staliniens ou est-ce qu'il fallait suivre les conseils de Federica Monsigny et Garcia Oliver ? Non, il ne fallait pas suivre leurs conseils, non. J'ai assez de renseignements là-dessus, quoi que je n'y étais pas, je n'étais pas à Barcelone, pour savoir qu'en deux jours, nos camarades étaient maîtres des 9 dixièmes de Barcelone. Et ils auraient pu, alors cette fois-là, j'ai été opposé toujours à des ruptures, n'est-ce pas, à des situations qui auraient affaibli notre position. Moi, ma première intervention à Barcelone, dans une assemblée de militants, ça a été contre des camarades qui demandaient que nous nous retirions des ministères à ce moment-là, et que nous prenions la situation en main. D'abord, il aurait fallu se battre. En plus de cela, je leur ai dit, nous ne recevrons pas une balle, pas une cartouche, rien de l'extérieur, n'est-ce pas ? Et nous serons responsables de la situation qui se posera. Donc, je ne suis pas suspect là-dessus. Mais, une fois qu'eux attaquaient, une fois qu'eux posaient la situation, alors là, je considérais qu'on devait y aller à fond. Alors, les n'ont pas voulu. J'ai du reste fait un essai à ce moment. Maintenant, ça me revient. Un essai où j'ai demandé à des chefs de colonne, car au front, n'est-ce pas, nous avions des colonnes. Généralement, il y avait la colonne Durruti, comme vous savez, n'est-ce pas, la colonne Franco, nous avons eu un camarade d'action qui s'appelait Franco aussi, et etc., n'est-ce pas. Et alors, je les ai fait se réunir et je leur ai proposé de faire venir une partie des troupes qui étaient au front, une partie seulement, n'est-ce pas, et de marcher sur Barcelone avec eux. Eux n'ont pas voulu. Quand j'ai proposé quelque chose, ça n'a pas été accepté, généralement, n'est-ce pas. Voilà. Ils n'ont pas voulu, ils considéraient qu'ils dépendaient du comité national de la CNT, n'est-ce pas. Puis le comité national, c'était des médiocrités, moins que des médiocrités qui s'y trouvaient, n'est-ce pas. Des camarades qui étaient bien peut-être pour une collectivité, pour un syndicat, mais pas pour une grande action d'envergure. C'est pas pour brasser les faits économiques d'un pays, mais pas voir l'avenir, l'orientation, etc., etc. Ou la politique internationale, les problèmes internationaux. Là, ils étaient dépassés. Indiscutablement, une chose fondamentale, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence, pas la petite intelligence quelconque. L'intelligence qui sait vraiment voir les événements, les voir à temps, et pas et qui cherche des solutions. Et ça nous a manqué. Maintenant, je vais alors insister sur quelques points, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Je vous ferai d'abord une déclaration de base. Je considère que la révolution qui s'est faite à ce moment-là a réussi, à mon avis, à 70%. Voilà à peu près les proportions que j'ai établies. Car il y a eu naturellement des échecs, il y a eu des erreurs, n'est-ce pas ? Et il faut en tenir compte. Par exemple, une des lacunes les plus grandes, ça a été l'incapacité de nos militants, de nos camarades, du point de vue de la distribution, des problèmes de la distribution. des problèmes du ravitaillement. N'est-ce pas? Et c'est là que la justice économique se base, se pratique avec ça. Pas avec la production, mais avec la distribution. N'est-ce pas? On n'a pas été capable. J'ai écrit, me rappelle, un article dans Solidarité d'Obrella sur cette question, capable d'organiser des coopératives, des centres distributeurs, même dans les usines, etc. N'est-ce pas? Le commerce est devenu aussi propriété des comités de contrôle. N'est-ce pas? Et là où il y avait 5 employés, plus le patron, dans une épicerie, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, du jour au lendemain, il y a eu 6 membres qui se partageaient les bénéfices. Et là, Federica, j'en parle beaucoup parce qu'elle exerçait une très grande influence, et Garcia Oliver était absolument incapable de traiter ces questions-là, de les voir, de les dénoncer, de proposer des solutions. Alors voilà un point très important, le problème de la distribution. Mais le syndicat libertaire n'avait pas prévu une façon de résoudre ça. Non, de ce côté-là, les syndicats n'ont rien prévu. Il y a eu de ce côté-là que des petits noyaux de paysans, de camarades qui ont... la République avait fait une réforme agraire, n'est-ce pas? Une réforme agraire qui était très peu de choses par rapport à ce qu'il fallait. Mais enfin, il y a eu des camarades qui ont eu un peu de terre, et alors qui se sont réunis, qui ont créé une collectivité. Et c'est assez fréquent, avant la Révolution même, n'est-ce pas? C'est un noyau communaliste, n'est-ce pas? Mais notre mouvement n'a pas su prévoir des choses. Et on pressait dans le vide en ce qui concernait nos militants, surtout nos militants qui exerçaient une influence sur les autres, car c'est toujours pareil, n'est-ce pas? Quelle était ta question déjà, excuse-moi? La possibilité de Non, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Non, on n'a pas fait, on ne l'a pas fait. Il y a eu des tentatives, je vous parlais tout à l'heure de 5 livres qui ont été publiés, dont le mien, dont vous avez la preuve ici, n'est-ce pas, et qui a été lu. Écoutez-moi bien. Je me rappelle que quand j'étais à Gibraltar, non, à Malaga, il y avait là un officier. Il y avait là un officier de l'armée espagnole, qui était un homme de gauche, et qui me disait, à propos de mon livre, Gaston, sur la base de ton livre, j'ai fait 6 conférences à Saint-Sébastien. 6 conférences. Je me rappelle d'un autre camarade de délégué d'une petite ville andalouse qui s'intitulait, la ville s'appelait Moronde. Et il m'a dit, Gaston, j'ai vendu 40 exemplaires de ton livre à Moronde, rien qu'à Moronde. Vous comprendrez que 40 militants qui savent ce qu'ils veulent dans une petite ville, ça a du poids. Mais nos camarades, nos intellectuels... En quelle année tu as sorti ce livre? Au début de 37. Non, de 32, pardon, de 32, immédiatement après la proclamation de la République. Parce que j'avais pensé, en examinant les choses comme j'étais capable de le faire, que la République échouerait. Je me rappelle qu'on m'avait demandé à ce moment-là une conférence à Rosario, il y avait un centre republicano, espagnol, n'est-ce pas, pour que je vienne apporter, dire mon opinion sur l'avenir de cette République. J'avais milité parmi les Espagnols aussi là-bas, et j'y suis allé, je leur ai dit, à la fin, j'expliquais le pourquoi, j'ai étudié la géographie de l'Espagne, la production, les possibilités de production, etc., etc., n'est-ce pas, je leur ai dit à la fin, où il y aura une révolution sociale, où il y aura le fascisme. Bon. Une autre chose. Il y avait eu à moitié 36 le congrès de Saragosse. Oui. Mais là, on n'avait pas prévu quelque chose dans ces... Mais non, la déclamation générale de Federica toujours, car c'est elle qui a eu la majorité, la malheureuse. Pas la malheureuse, parce qu'elle n'est pas malheureuse. Moi, je ne la pardonne pas, n'est-ce pas? Et alors, je vous dirai une chose. J'avais lu quelque temps avant d'elle une brochure, je parle d'une soixantaine de pages, où elle se moquait des préparations de l'avenir. Où elle disait que jamais elle n'avait lu de livre sur cette question-là, qu'elle n'avait lu qu'une brochure, c'était celle de son père, parce qu'elle avait dû la corriger. C'est textuel. Et alors, au Congrès de Saragosse, c'est Santillane qui a représenté une tendance constructive, n'est-ce pas? Il avait écrit ce livre, L'organisme économique de la Révolution, n'est-ce pas? Et puis, d'autres camarades qui étaient avec lui, mais elle était celle qui exerçait le plus d'influence. C'était l'orateur. L'orateur a toujours un avantage, n'est-ce pas? Il l'entraîne, il saoule les autres, etc. Et elle a parlé surtout de l'amour libre. Ah oui, ah, ça l'intéresse beaucoup, l'amour libre. Il y a 3 ans et demi, j'étais allé à Turin. Vous savez, il y a eu les journées d'études là-bas. Et alors, elle dit, mais oui, l'anarchisme progresse. Regardez le nombre de gens qui pratiquent l'amour libre. N'est-ce pas? Voilà. Je lui ai répondu que le problème, c'était de transformer la société et qu'il fallait laisser les petits oiseaux faire l'amour comme ils voudraient, quand ils voudraient. N'est-ce pas? C'était... Mais voilà, c'est elle qui exerce, et qui continue d'exercer une influence. Ah, nous avons là une bureaucratie. Elle est petite, mais le mal qu'elle fait, elle fait un mal immense. Et à ce moment-là, elle l'a fait. Comme ça, il n'y avait aucune ligne... Non, il n'y avait rien. Et n'est-ce pas? Et même pas dans 37, justement, où on n'a pas pu... de l'expérience arriver à quelques tentatives de solution. Non, mais non. Bien, je vais donner un exemple. Notre mouvement à Barcelone avait organisé une fois 10 conférences dans lesquelles venaient parler 10 personnalités les plus importantes de notre mouvement, parmi lesquelles j'étais, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, il n'y a eu qu'une conférence sur les problèmes constructifs, sur les problèmes économiques, c'était la mienne. Le titre, la conférence est du reste à Amsterdam, avec ma photographie là. Je suis très beau garçon à ce moment-là. Ouais. Et le sujet, le titre, Nuestro Programa de Reconstrucción. Voilà, vous voulez dire. Alors, ce que j'ai traité. Mais Federica, non? Les 9 autres orateurs non plus. Ichignon Ruiz a parlé sur la littérature. Puis d'autres, des sujets comme ça. Il n'y a que moi qui ai traité ces questions-là. C'est une des choses que Paniagua, précisément, applaudit et dit que j'ai été le seul qui, à ce moment-là, ait su poser les questions des problèmes économiques. J'ai fait une autre fois une conférence sur les ressources alimentaires de l'Espagne antifasciste et de l'Espagne fasciste. Je me rappelle que j'avais les statistiques de production de bétail, etc., etc., et j'avais conclu qu'il y avait plus de cochons dans l'Espagne antifranquiste que dans l'Espagne franquiste. Et c'est vrai, il y en avait plus. Bon. Mais non, on parlait de toutes sortes de choses, des problèmes. Non, du reste, lorsque j'allais faire des conférences parmi les paysans, etc., les camarades qui étaient à la tête de la collectivité m'ont dit plus d'une fois, tu es le seul qui vienne de Barcelone et qui sache parler de questions pratiques, de questions de la campagne, etc. Mais oui, naturellement, hein, parce que je m'étais occupé de ces questions-là. On ne s'improvise pas là-dedans, n'est-ce pas? Et... Alors ça peut expliquer aussi que, justement, surtout après les événements de mai, les PSUC, le Parti communiste, enfin, a pu gagner plus d'influence, pas seulement par la force, mais aussi car il y avait une situation... Bon, il a pu la gagner... Je dis dans l'industrie. Dans l'industrie? Dans l'industrie, non, notre mouvement après s'est ressaisi et tenait bien en main les entreprises. Il les tenait bien en main. Mais ce n'est pas lui qui donnait la direction générale. Par exemple, la fabrication d'armement. Après, ça continuait dans la métallurgie. Mais on fabriquait ce que le gouvernement demandait. N'est-ce pas? On ne pouvait pas toucher l'argent pour se faire payer. On ne pouvait pas payer les travailleurs. C'était une façon de commémorer le représentant des communistes de saboter notre mouvement. Nous étions les organisateurs, mais nous n'étions pas les financiers. Alors, on nous demandait à nous de payer, et nos camarades n'avaient pas l'argent pour payer. C'est peut-être pas une des erreurs, mais enfin une faiblesse qui on n'a pas pensé tout de suite de s'emparer des banques. Il n'y a pas un problème là. Je ne sais pas ce que ça aurait fait. Ça pouvait l'être. Les banques, n'est-ce pas, elles étaient là-dedans, n'est-ce pas, le principal était à Madrid. Il y avait à peu près pour 3 milliards de pesetas en or. C'était beaucoup, c'était une très belle somme. C'était une des banques nationales qui était le plus riche, celle d'Espagne, n'est-ce pas? Seulement, il aurait fallu se battre avec les autres. À tout de suite. Ah oui, naturellement, il aurait fallu se battre avec les autres. Inévitablement. Et alors, dans ce moment-là, si un mouvement n'est pas bien organisé, alors là, c'est une... L'argent s'en va, fuit d'une façon ou d'une autre. On ne pouvait pas socialiser les banques de Catalogne. Non. La Catalogne n'avait pas assez d'argent. Une des choses que j'ai su quand j'étais arrivé à Barcelone et après que je m'étais renseigné quand mes camarades de Malaga m'avaient demandé de chercher des armes pour eux, n'est-ce pas? C'est qu'on n'avait pas d'argent pour acheter les matières premières. Mais alors, autre chose. Alors là, ça... C'est une autre question, un autre aspect du problème. Il aurait été possible de s'armer dans la première année. Après, tout était perdu. Seulement, on a été incapable dans notre mouvement de le faire. Et on a été incapable au gouvernement de le faire. Et les gouvernants républicains et socialistes se sont disputés entre eux, se sont sabotés les uns les autres. J'ai été envoyé au début de février 37 à Paris avec du papier au nom de Juan Gomez, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment je m'appelais, et chargé de chercher du fer, de l'acier rapide, plus exactement, de l'acier rapide pour fabriquer des outils. On n'avait plus d'acier rapide, n'est-ce pas? Et puis alors, d'un autre côté, du charbon. Car on commençait à manquer de charbon. Le charbon était tout dans les Asturies. C'est pas la zone carbonifère, c'est à côté du Pays Basque, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est la région, n'est-ce pas, de la haute métallurgie, là-bas. Eh bien, les hauts fourneaux commençaient à s'éteindre. Et quand les hauts fourneaux sont éteints, pour les rallumer, ce n'est pas une petite affaire. Alors, j'ai su ça. Et je devais venir en France chercher ma femme et mes enfants qui revenaient d'Argentine à leur tour. Alors j'ai demandé à Mariano Vasquez, qui était le secrétaire du comité national, s'ils avaient besoin de certaines choses. Alors on m'a dit, il faut charger de l'acier rapide et du charbon. D'accord. Je suis venu, je me suis occupé de ma femme et de mes enfants, et puis j'ai cherché des matières premières. Eh bien, j'ai su une chose, c'est qu'il y avait un ambassadeur espagnol à Paris qui était priétiste, partisan de Prieto, l'Indalicio Prieto, le socialiste. Et à tous ceux qui se présentaient, car il y a eu beaucoup de bonne volonté pour aider l'Espagne, à tous ceux qui se présentaient, la réponse était invariable, nous avons beaucoup mieux que ça. Non, ça ne nous intéresse pas, nous avons mieux. Non, nous ne nous intéresse pas, nous avons mieux. Je me rappelle avoir trouvé, il y avait une commission de la CNT installée à Paris pour les achats, et j'ai connu là un officier de l'armée espagnole qui était en Afrique, dans le RIF, je ne sais pas à quel endroit, et qui avait dû marcher à pied 500 km, je crois, pour rejoindre l'Espagne antifranquiste. Un homme sincère, certainement. Et qu'il m'a dit, il y a à Valence, certains individus qu'il faudrait coller au mur. Et oui, il aurait fallu coller au mur. Il s'est présenté des gens, d'abord des marchands d'armes qui vendaient leurs armes à n'importe qui. Puis j'ai connu des gens qui ont cherché, qui ont trouvé des armes, qui ont fait plus, qui ont passé la nuit, des nuits entières, à voler des plans dans l'usine d'armement où ils travaillaient pour les copier et envoyer les plans en Espagne pour qu'on s'en serve, qu'on fabrique des armes là-dessus, etc., etc. Et généralement, ceux qui ont été à la tête de la fabrication d'armement avaient la culture d'un ouvrier mécanicien, puis c'était tout. Et quand on discutait sur ces questions-là, on ne s'en tirait jamais. Il n'y avait jamais de solution. Nous n'étions pas armés, nous préparés pour faire une révolution. Et je suis convaincu que demain, il en serait de même dans n'importe quel pays. Je vous ai dit qu'en Aragon, il y avait à peu près 350 collectivités agraires. N'oubliez pas que c'est dans le domaine agraire qu'on a fait le plus beau travail. Dans le Levant, ils sont arrivés à 900 collectivités. Et c'est dans la région du Levant qu'on a fait les essais les plus importants. Les camarades sont arrivés à créer une espèce d'université agricole où ils avaient des professeurs qui venaient, qu'ils avaient des ingénieurs agronomes, etc. Même des gens qui n'étaient pas passés dans notre organisation économique, qui étaient encore avec la bourgeoisie ou le patronat existant, peut-être parce qu'on ne pouvait pas les employer dans notre mouvement. Mais ces gens venaient travailler pour nous et venaient nous aider, n'est-ce pas ? Tenez compte, je crois que la chose la plus importante, ça a été fait dans le Levant, dans la région du Levant. Et dans mon livre, si vous trouvez cette partie-là, j'explique comment il s'agissait d'une espèce d'îlot, un gigantesque îlot, n'est-ce pas, où il y avait là toute une société nouvelle, toute une civilisation nouvelle, n'est-ce pas. Ce qui est terrible, c'est que aussi bien nos bavards, nos aboyeurs de tribune n'ont pas été capables de prendre note de toutes ces choses-là. Ils essayent de les faire comprendre maintenant, les faire connaître, mais jamais ils ne pourront donner, refléter le beau travail qui s'était fait dans ces régions-là, n'est-ce pas ? La fédération levantine était divisée en sections pour toutes les activités humaines, et il y avait aussi bien la culture du blé, par exemple, n'est-ce pas, que l'orange, que l'organisme, la construction, que les écoles, etc. Toutes les activités étaient ramifiées dans une vaste organisation ayant chacune de ses sections, avec une discipline interne, n'est-ce pas, que l'on n'a jamais vue probablement jusqu'à maintenant. C'était exactement en Castille. La Castille est venue plus tard. C'est la dernière venue comme région. Mais ce qui s'est fait dans les collectivités était aussi extraordinairement précis. Ces paysans castillans, qui étaient généralement des hommes nobles, des hommes purs, des hommes propres, sont venus parce qu'ils ont été attirés par ce qu'on leur a dit, et puis ils ont été d'excellents collaborateurs. Il y a eu un travail de création absolument admirable et qui permet tous les espoirs, mais à condition qu'on sache tirer de l'expérience de la Révolution espagnole toutes les leçons qui s'en dégagent. Il y a, j'ajouterai ceci, parce que je comprends que vous êtes pressé de partir, n'est-ce pas ? Si je compte les gens qui ont été alimentés par le travail des collectivités, les gens qui ont vécu, qui ont eu un rapport avec la vie économique d'ensemble, comptent des millions de personnes. Je dis bien des millions de personnes. Pas 2 ou 3 millions, mais 7 ou 8 millions. Je crois que l'on peut calculer ça. Toute la Catalogne, malgré tout, a marché sur la base des socialisations, bien ou mal faites, dans les débuts surtout, mais qui après se sont redressées. Et il y a des choses absolument extraordinaires, comme par exemple les services de salubrité en Catalogne. J'ai un chapitre là dans mon livre, où je dis comment a été socialisée toute la médecine, et cela ne s'était jamais vu. Il y a eu j'ai emporté de cette révolution des aspects que j'ai vus, où je n'ai vu, je dois le dire, que les plus belles choses. Mais les plus belles choses étaient très, très nombreuses, en tout cas, parce que c'était à peu près partout où j'allais en Aragon, n'est-ce pas? J'ai emporté un souvenir qui me laisse une espèce de nostalgie, le fait d'avoir vécu une civilisation nouvelle. Et c'est ce que, de là, j'ai déduit, et j'ai appelé la civilisation libertaire, n'est-ce pas? On n'a pas su le faire, mais... C'est-à-dire, on n'a pas su mettre en relief suffisamment ce qui a été fait, n'est-ce pas? Mais c'est absolument lamentable. Et c'est un des quatre ou cinq hommes presque de génie, comprends-tu, par eux-mêmes, naturellement, n'est-ce pas, qui ont embrassé le plus de choses. Esteban est un de ceux qui ont fait le plus, n'est-ce pas? Et son témoignage est précieux, vraiment. Ben justement, il m'expliquait, parce que là je n'ai pas été en rapport, comment lui, quand il était à la tête de la Fédération de Levant, des collectivités du Levant, avec d'autres camarades, enfin il était un de ceux qui comptait le plus, eh bien les officiers de l'armée espagnole qui étaient à Madrid, qui faisaient face, n'est-ce pas, au franquisme, et qui avaient besoin de ravitaillement pour leurs hommes, venaient demander aux collectivités du Levant. Ils se mettaient d'accord. Esteban recevait les officiers, qui du reste le traitaient très, très, très gentiment, n'est-ce pas, en camarade, etc. N'est-ce pas, ça, le Levant a ravitaillé le front de Madrid pendant longtemps. Voilà, et alors ce que dit ma compagne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les techniciens, n'est-ce pas, qui étaient en marge, mais qui venaient travailler, aider les collectivités. N'est-ce pas, il y avait une... Comment dirais-je, une collaboration qui a été très importante, et plus importante, par exemple, là, dans les collectivités, que parmi les ingénieurs de Barcelone. C'est pas... Le chemin de fer, dans mon livre, c'est un des chapitres les plus intéressants sur le chemin de fer, n'est-ce pas? Quand j'y suis allé, moi, voir les camarades et parler avec eux, ils étaient cinq en tout au comité national. Personne n'avait préparé ces questions, ces études, les études nécessaires, etc., etc. Mais enfin, ceux du comité ont pu improviser, ont eu l'intelligence d'improviser. D'abord, ils sont tombés sur quelque chose qui était organisé d'avance. Il fallait continuer, simplement. Les chemins de fer, ça marchait tout seul. Seulement, dans toutes les villes, il y avait des camarades qui se réunissaient en assemblée, qui étaient en correspondance ou en contact avec Barcelone, etc. N'est-ce pas? Mais proportionnellement, le nombre des techniciens de l'agriculture qui sont venus à l'université de Montcada, c'est un village de Montcada, proportionnellement, ils étaient plus nombreux. N'est-ce pas? J'insiste là-dessus que c'est dans le domaine agraire qu'on a fait les choses les plus belles. D'accord? À côté de ça, dans le domaine industriel, ça n'a pas été général. Voilà. C'est là que je vois un 30% de fautes, ou d'erreurs, ou d'insuffisances, etc. Mais il y a aussi à côté de ça des choses très belles, comme je vous disais, le syndicat de la salubrité, par exemple, les chemins de fer, n'est-ce pas? Avec la solidarité, regardez les camarades des chemins de fer, qui ont eu l'idée de coordonner tous les moyens de transport, aviation, cabotage, bateau marchand, n'est-ce pas? Les bus, n'est-ce pas, les autobus, et puis les chemins de fer. Ils avaient créé, ils avaient commencé une enquête pour organiser, pour canaliser cela le mieux possible, etc., etc. Cela ne s'était jamais vu. Il y avait aussi une capacité créatrice. Seulement, il y a eu des déficiences, indiscutablement. Bon, ben je crois que vous avez affaire. Vous allez chez Joannel maintenant.